وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continue la lecture du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de Surat al-Jumu'ah, Surat le vendredi, qui est en page 553 du Mus'haf. قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Donc Allah عز وجل dit dans cette sourate, selon le sens, dans le premier verset, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le tout-puissant, le sage. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الجمعة وهي مدنية. L'explication de سورة الجمعة, سورة le vendredi, qui est une sourate médinoise. أي يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي فالجميع ممالكه وتحت تدبيره القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص العزيز القاهر للأشياء كلها الحكيم في خلقه وأمره فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الجي رحمه الله تعالى en expliquant ce premier verset de Surat al-Jumu'ah, glorifie Allah et se soumet à ses ordres et le prenne comme divinité et l'adore l'ensemble de ceux qui sont dans les cieux et la terre. Car Allah Azzawajal a le royaume parfait, celui à qui appartient le royaume terrestre, le royaume, celui à qui appartient les mondes célestes et terrestres. L'ensemble appartient à Allah Azzawajal et est sous son contrôle et sous son commandement. Al-Quddus, le pur, c'est-à-dire celui qui est immensifié, celui qui est exempt de tout défaut et de tout manquement, subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, le tout-puissant, c'est-à-dire celui qui a la suprématie sur toute chose. Al-Hakim, le tout sage, c'est-à-dire le tout sage dans sa création et dans ses commandements. Puis il dit, rahimahullah, que tous ces attributs immenses qui appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, doivent ou nous appellent à l'adorer, subhanahu wa ta'ala, seul, sans ne rien lui associer. ثم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, ici en l'occurrence les Arabes, un messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès leur, c'est-à-dire qui fait partie d'eux, qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas rejoints, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. قال الشيخ سعد رحمه الله المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ضلال مبين يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه يتلو عليهم آياته القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم، ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم القرآن وعلم السنة، المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين. فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة العلم والدين، وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتا، اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتدين وهداة المؤمنين. فلله عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل نعمة وأجل منحة. Il dit, rahimahullah ta'ala, ceux qui sont voulus par les gens sans livre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de livre avec eux, ceux qui n'ont pas de livre divin avec eux, et qui n'ont pas également de trace d'un envoi. Ceci englobe les Arabes, mais autres que les Arabes. Ceux qui ne font pas partie des gens du livre, car les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, les juifs avaient la Torah et les chrétiens avaient l'évangile, et les polythéistes de la Mecque, qu'est-ce qu'ils avaient comme livre? Ils n'en avaient pas. Donc ce qui est voulu par al-Ummiyin, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de livre ni de trace d'une quelconque lettre ou d'un quelconque message. Ceci englobe les Arabes et autres qui ne font pas partie des gens du livre. Allah Azza wa Jal les a comblés d'un immense bienfait. Un bienfait qui était beaucoup plus grand qu'autrui, que autre qu'eux. Car ces Arabes, et autres que les Arabes qui n'avaient pas de livre, n'avaient pas de science. Et il n'y avait pas de bien en eux. Ils étaient dans un égarement évident. Ils adoraient les arbres, les statues, les pierres. Ils s'adonnaient au comportement des bêtes féroces. Les forts parmi eux, mangeaient les faibles. Et ils étaient dans une ignorance profonde de la science des prophètes. Allah Azza wa Jal leur a envoyé un prophète parmi eux, dont ils connaissent la lignée, dont ils connaissent les qualités et la véracité. Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam son livre, Yatlu alayhim ayatih, un prophète qui leur récite ses versets, des versets qui sont clairs, qui impliquent la foi et la certitude, et les purifie en les encourageant à faire preuve ou à œuvrer et à avoir des comportements louables. Et il leur a explicité cela. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en garde contre tous les mauvais comportements. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ et leur enseigne le livre et la sagesse, c'est-à-dire la science du Coran et la science de la Sunna. Donc le livre ici dans ce verset, il est voulu par le livre, le Coran, et la sagesse, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. après cet enseignement et après cette purification, ils ont fait partie des créatures les plus savantes. Et ils ont fait partie des imams dans la science et dans la religion. Et ils ont fait partie de ceux qui avaient les comportements les plus parfaits, ceux qui avaient emprunté la meilleure des voies. Ils ont guidé leur propre personne et ont guidé autrui. Ils ont fait alors partie des guides et de ceux qui ont guidé les croyants. Allah Azza wa Jal, par l'envoi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a accordé une faveur énorme et leur a fait don d'un présent, c'est-à-dire d'un cadeau noble. Puis, il dit, rahimahullah, وَقَوْلُهُ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ أَيْ وَامْتَنَّ عَلَىٰ آخَرِينَ غَيْرِهِمْ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأُمِّيِّينَ مِمَّنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ ومن أهل الكتاب لما يلحقوا بهم أي في من باشر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان وعلى كل فكلا المعنيين صحيح فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها وهذا من عزته وحكمته حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. Donc Allah Azza wa Jalla a comblé ceux qui n'avaient pas de livre par quelle faveur? Par l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie d'eux, un homme qu'ils connaissent, qui leur récite ses signes, c'est-à-dire les versets d'Allah Azza wa Jal, les purifie, leur enseigne le Coran et la Sunna. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 3, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a comblé également autres que ceux qui n'ont pas reçu le livre. Ceux qui vont venir après eux, qui vont leur succéder parmi les gens du livre. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Ici, il y a deux significations ou deux explications des savants. C'est-à-dire ceux qui ne les ont pas rejoints, c'est-à-dire ceux qui ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'ont pas atteint ces personnes dans leur mérite. Et l'autre explication est ceux qui ne les ont pas atteints dans l'époque, c'est-à-dire ceux qui sont venus après leur époque. Donc ceux qui ne les ont pas rejoints, il y a deux significations, qui n'ont pas atteint leur degré de piété et les mérites qu'ils avaient. Et l'autre explication est qu'Allah Azza wa Jal a également comblé de bienfaits ceux qui sont venus après eux dans le temps. Et il dit, rahimahullah, dans les deux sens, et les deux sens sont justes et sont véridiques. Car ceux à qui Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète, ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont reçu son appel, eh bien, ils ont perçu, ils ont atteint des qualités et ils ont des mérites que personne ne peut avoir après eux. ceux qui ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont écouté, ceux qui lui ont obéi, donc ceux qui font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont un mérite ou pas? Oui, ils ont des mérites immenses. Et ces mérites, personne de ceux qui sont venus après eux ne peut les égaler dans cela. Car les compagnons du prophète sallam ont un mérite sur nous ou au-dessus de nous auquel on ne peut pas espérer. Car le fait de faire partie des compagnons du prophète sallam, d'avoir vu le prophète sallam, d'avoir cru en lui, d'avoir pris de ses enseignements de façon directe, est un bienfait que personne après les compagnons ne peut obtenir par la suite. Et ceci fait partie de la puissance et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah azza wa jal a envoyé son prophète. Et à travers l'envoi de son prophète, il leur a ordonné et leur a interdit. Et ceci fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Et ce bienfait dont Allah Azza wa Jal a comblé ces personnes, c'est un bienfait qui est bien plus grand et bien plus méritoire que la bonne santé et la grande pourvoyance ou tout autre bienfait mondain. Il n'y a pas de bienfait plus immense que le bienfait de la religion. Car le bienfait de la religion, c'est l'essence même de la félicité et c'est l'essence même de la vie heureuse. ثم قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Il dit subhanahu wa ta'ala, نعم, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 5 à 8 de sourate Al-Jumu'ah, selon le sens, ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliqué sont comparables à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah, cependant, connaît bien les injustes. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera de ce que vous faisiez. قال الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر الله منته على هذه الأمة الذين ابتعث فيهم النبي الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب، الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المقدمون. ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى، وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها، وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به، أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم، فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن. فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به. Puis il dit rahimahullah, après qu'Allah Azza wa Jal ait cité ses bienfaits envers cette communauté, ceux à qui Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète illettré, cette communauté à qui Allah Azza wa Jal a donné des spécificités et des qualités que personne ne peut espérer avoir. Cette communauté qui ont la suprématie sur les autres, même sur les gens du livre. Les gens du livre qui prétendent qu'ils sont les savants et qu'ils sont les rabbins dotés de mérite, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset, dans le cinquième verset de Sourate al-Jumu'ah, que ceux à qui Allah azza wa jal a chargé de la Torah, parmi les juifs, mais également les chrétiens, Allah Azza wa Jal leur a ordonné de l'apprendre et de la mettre en pratique. Ils ne l'ont pas mis en pratique et ils n'ont pas fait leur devoir vis-à-vis de ce que Allah Azza wa Jal leur a confié. Ils n'ont donc pas de mérite à faire partie des gens du livre, car ils n'ont pas mis en pratique le livre qu'Allah Azza wa Jal leur a confié. Et Allah Azza wa Jal cite que leur exemple est l'exemple d'un âne qui porte sur son dos des livres de science. Est-ce que cet âne bénéficie? Non. Est-ce que cet âne profite des livres qu'il porte sur son dos? Et est-ce que cet âne bénéficie d'un quelconque mérite à faire cela? Ou bien sa part est de les avoir portés uniquement? Ceci est l'exemple donné et l'exemple des savants parmi les juifs, qui n'ont pas mis en pratique ce qu'il y avait dans la Torah. Et parmi les choses les plus immenses et les plus importantes présentes dans la Torah, l'ordre et le commandement de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La bonne nouvelle de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est présente dans la Torah. de croire en ce qu'a apporté le Coran. Est-ce que ces personnes ont profité de la Torah? Cette Torah, le fait qu'il n'ait pas mis en pratique cette Torah, a été la cause de leur échec et de leur perdition. Et cette Torah sera une preuve contre eux. Ceci est donc un exemple illustre qui correspond exactement à leur situation. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les signes d'Allah. Les signes d'Allah qui prouvent la véracité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la véracité de ce qu'il a apporté, à savoir le message de l'islam. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَلَا يُرْشِدُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ مَا دَامَ الظُّلْمُ لَهُمْ وَصْفًا وَالْعِنَادُ لَهُمْ نَعْتًا وَمِنْ ظُلْمِ الْيَهُودِ وَعِنَادِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى بَاطِلٍ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ وَأَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي زَعْمِكُمْ أَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ وأولياء الله وأولياء لله فتمنوا الموت وهذا أمر خفيف فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده ولهذا قال تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها والله عليم بالظالمين فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء وهذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم ويفرون منه غاية الفرار فإن ذلك لا ينجيهم بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير. Il dit رحمه الله en expliquant la parole d'Allah عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. Et Allah ne guide pas le peuple des injustes. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne les oriente pas vers ce qui leur est profitable, tant que l'injustice les caractérise et tant que l'entêtement est leur adjectif. Et parmi l'injustice du peuple juif et parmi leur entêtement est qu'ils savent pertinemment qu'ils sont dans le faux, mais prétendent qu'ils sont dans le vrai et qu'ils font partie des alliés d'Allah à l'exclusion des autres gens. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux Juifs et de leur dire « Si vous êtes véridiques dans ce que vous prétendez, c'est-à-dire dans ce que vous prétendez en disant que vous faites partie de ceux qui sont dans la vérité et de ceux qui font partie des alliés d'Allah. Si vous êtes véridiques dans ce que vous prétendez, alors souhaitez donc la mort. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ. Et ceci est une chose simple, car s'ils savent qu'ils sont dans la vérité, ils ne s'abstiendront pas de relever ce défi. Un défi qu'Allah Azza wa Jal a considéré comme une preuve de leur véracité s'ils espèrent la mort ou de leur mensonge s'ils n'espèrent pas la mort. Et parce que ils n'ont pas espéré la mort, malgré que cela leur ait été demandé, il a été su donc qu'en réalité, ils savent qu'ils sont dans le faux. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ » Or, ils ne la souhaiteront jamais, c'est-à-dire la mort, à cause de ce que leurs mains ont préparé, c'est-à-dire à cause de ce que leurs mains ont fait comme péché et désobéissance. Des péchés et des désobéissances qui font qu'ils redoutent la mort à cause de cela. Et on avait cité dans les cours de fiqh que les Arabes disent de ce que leurs mains ont fait, ce que ta main a fait. Est-ce qu'ils veulent dire que les péchés qu'ils ont commis avec leurs mains uniquement, ou est-ce que c'est plus général ? Ici, Allah Azza wa Jalla a dit « Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont fait. » Naam. De ce que leurs mains ont fait, mais également de ce que leurs langues ont proféré, de ce que l'ensemble des membres de leur corps ont commis comme péché et désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Mais les Arabes disent « Ce que tes mains ont fait, car la plupart des actes sont commis par les mains. » Donc, les Juifs n'espèrent pas la mort. Cela prouve qu'ils mentent en prétendant qu'ils sont dans la vérité et en prétendant qu'ils sont les alliés d'Allah. Car celui qui est sûr d'être dans la vérité et celui qui est sûr d'être un allié d'Allah Azzawajal, est-ce qu'il redoute de mourir et de rencontrer son Seigneur ? Non, il ne redoute pas. D'autant plus lorsqu'on le défie dans cela. Lorsqu'on te défie, eh bien, si tu es persuadé d'être dans la vérité et de faire partie des alliés d'Allah, tu relèves le défi. Ils ne l'ont pas relevé et Allah Azza wa Jal a même dit « Ils ne la souhaiteront jamais ». Puis il dit Azza wa Jal « Wallahu alimu bidh-dhalimin » Allah connaît parfaitement les injustes. C'est-à-dire que rien ne peut échapper à Allah Azza wa Jal de leur injustice. Ceci, même si ils n'espèrent jamais mourir à cause de ce que leurs mains ont fait, et qu'ils se sauvent de la mort et qu'ils l'évitent, cela ne les sauvera pas, car la mort les rencontrera inévitablement. La mort les rencontrera inévitablement, car c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a imposée à l'ensemble de ses créatures et c'est une chose qu'il leur a prescrit. Puis, après la mort et une fois leur temps de vie écoulé, eh bien, ils seront ramenés tous le jour du jugement à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et Allah Azza wa Jalla les informera de tout ce qu'ils ont fait, comme bien et mal, petite soit-elle cette chose ou grande. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les versets 9 à 11 de Sourate Al-Jumu'ah: Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout négoce, Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah et évoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليها والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال لا العد الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة وقوله وذروا البيع أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع وتفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير وأبقى وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث ظن أنه يربح وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات ولما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره فقال واذكروا الله كثيرا أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jal ordonne ses serviteurs croyants d'assister à la prière du vendredi et de s'y rendre. À partir du moment où on appelle à celle-ci, on appelle à la prière du vendredi. وَالْمُرَادُ بِالسَّعِي et ce qui est voulu par السَّعِي est accouré, c'est-à-dire de s'y rendre et de considérer cette prière comme étant importante et de considérer cette prière comme étant une occupation prioritaire. Il ne faut pas comprendre de la parole d'Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat, à la prière du jour du vendredi, accourez. Il ne faut pas comprendre d'accourez, comme le dit Cheikh Sa'di, c'est-à-dire de presser le pas, car il y a une interdiction de presser le pas et de se précipiter lorsque l'on se rend à la prière. Le professeur Sam a dit, lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous à la mosquée en toute sérénité et quiétude. Et il termine le professeur sallam fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Ce que vous priez, ce que vous arrivez à avoir de la prière, priez-le. Et ce que vous avez raté, rattrapez-le. Donc, il ne faut pas comprendre la parole d'Allah Azza wa Jalla as-sa'i comme étant à courir, c'est-à-dire courir et se précipiter à la mosquée. Non, mais c'est de considérer cette prière comme étant une priorité, comme étant une chose extrêmement importante. Wadharul bay' et laisser le commerce, c'est-à-dire délaisser le commerce lorsque l'on appelle à la prière. Ceci est meilleur pour vous que de vous adonner au commerce et ainsi de rater cette obligation qui fait partie des obligations les plus prononcées. In kuntum ta'lamun, si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et durable et que celui qui fait précéder la vie d'ici-bas à sa religion, connaîtra alors la véritable perte, en pensant qu'il a gagné, c'est-à-dire en, en faisant son commerce alors que l'appel de la prière du vendredi a été lancé. Et ce commandement de délaisser le commerce ce délaissement est temporaire, c'est-à-dire délaisser le commerce le temps de la prière. Le temps de la prière. Car Allah Azza wa Jalla dit par la suite, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Puis, quand la prière est achevée et terminée, dispersez-vous sur la terre. C'est-à-dire, dispersez-vous sur la terre en recherchant les moyens de subsistance et en faisant du commerce. Puis il dit, rahimahullah, et parce que le fait de s'occuper à acheter et à vendre et à commercer est un moyen qui facilite l'insouciance vis-à-vis de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de beaucoup l'évoquer. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Et évoquer beaucoup Allah. C'est-à-dire lorsque vous êtes debout, lorsque vous êtes assis, lorsque vous êtes allongé. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ainsi, afin que vous réussissiez. Car le fait de beaucoup évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal fait partie des plus grandes causes de réussite. ثم قال رحمه الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخير وتركوك قائما تخطب الناس وذلك في يوم الجمعة وذلك في يوم جمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له وترك أدب قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة ربه خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant le 11e verset de Sourate Al-Jumu'ah, et quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent, c'est-à-dire qu'ils sortent de la mosquée, en recherchant ce divertissement et en recherchant ce commerce, et délaissent le bien. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Et te laissent debout en train d'exhorter les gens. Puis Cheikh Saadi rahimahullah explique la cause de la révélation de ce verset, qui est un hadith apporté par le Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. Ceci car un vendredi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'exhorter les gens sur son minbar, en train de faire le prône du vendredi. C'est alors qu'une caravane qui était chargée de marchandises est arrivée à Médine. Lorsque les gens ont entendu l'arrivée de cette caravane, alors qu'ils étaient dans la mosquée, ils sont sortis de la mosquée et ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorter, faire son prône. Car à l'époque, c'était des caravanes qui alimentaient les villes. Et les caravanes étaient chargées de toutes sortes de marchandises. Et lorsqu'une caravane entrait, les gens accouraient vers celle-ci. Les gens accouraient vers celle-ci, afin de pouvoir trouver la marchandise dont ils ont besoin pour fructuer leur commerce. Et notamment dans le chapitre de l'Bay'a, dans le chapitre des ventes, parmi les jugements en islam, c'est qu'il est interdit d'aller rejoindre la caravane avant qu'elle n'arrive en ville. Car certains, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils sortaient de la ville pour intercepter la caravane et prendre les meilleures marchandises pour eux. Et une fois la caravane arrivée en ville, eh bien, les gens se rendaient compte que il y avait de la marchandise manquante ou que c'était la marchandise de mauvaise qualité qui restait. Cela est un préjudice pour les gens de la ville. C'est pour cela que l'islam interdit d'intercepter des marchandises avant qu'elles n'arrivent à bon port. Donc lorsqu'ils ont entendu qu'une caravane est arrivée, ils sont sortis de la mosquée, se sont empressés d'aller à la rencontre de cette caravane et ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire son discours du vendredi. Puis il dit, rahimahullah, ils se sont donc empressés à aller vers une chose qui ne mérite pas que l'on s'empresse vers elle. Et ceci est un mauvais comportement. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit à son professeur sallam, dit ce qui est auprès d'Allah, c'est-à-dire comme récompense pour celui qui persiste dans le bien et celui qui patiente dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Que cela est meilleur que le divertissement et le commerce. Le divertissement et le commerce, comme a dit Cheikh Saadi, qui peuvent apporter des buts précis, des biens, mais cela reste peu et cela est mélangé. Cela peut être mélangé, c'est-à-dire que cela peut amener des choses bonnes comme des choses mauvaises. Et cela fait passer outre le bien de l'au-delà. Or, de patienter dans l'obéissance d'Allah Azzawajal ne prive pas de la pourvoyance. Car Allah Azzawajal est le meilleur des pourvoyeurs. Et plus tu fais preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azzawajal, Allah qui est le pourvoyeur. Donc si tu fais preuve de piété envers le pourvoyeur suprême, eh bien, il dit, rahimahullah, celui qui fait preuve de piété, Allah Azzawajal lui accordera une subsistance auquel il n'aura une subsistance qu'il n'aura jamais imaginée. Puis il dit rahimahullah wa fi hadhihi al-ayat fawaid 'adidah. Minha an al-jum'ah fariidah 'ala jami' al-mu'minin, yajib 'alayhim as-sa'y laha wal-mubadarah wal-ihtimam bi sha'niha. Wa minha an al-khutbatayn yawm al-jum'ah fariidatan yajib hudurihima. لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين فأمر الله بالمضي إليه والسعي له ومنها مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما ومن لازم ذلك الإنصات لهما ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه تم تفسير سورة الجمعة ولله الحمد والثناء. Il dit rahimahullah, et l'on retient de ces versets de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices que la prière du vendredi est une obligation pour tous les croyants. Ils se doivent de s'y rendre et de s'y hâter et de lui donner une immense importance. Et quand on dit tous les croyants, ce sont les hommes et non les femmes. Parmi les leçons que l'on retient de ces versets, que les deux khutbah, que les deux discours du vendredi sont obligatoires. Il est obligatoire d'y assister, car le rappel ici a été expliqué par les deux khutbah. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit, Naam, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah. Fas'au ila dhikrillah. Accourez à l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah ici, ce sont les deux khutbah. Ce sont les deux khutbah de l'Jumu'ah. Les deux sermons du vendredi. On retient également comme leçon de ces versets qu'il est légiféré de faire l'appel à la prière du vendredi et que cela est une obligation. Car Allah Azza wa Jalla dit « Idha nudiya lis salah » lorsqu'on appelle à la prière du jour du vendredi. Donc l'adhan du jour de vendredi est légiféré et qu'il est obligatoire. « Wa minha » également parmi les leçons à tirer de ces versets, l'interdiction de vendre ou d'acheter après l'appel du vendredi. Et que celui qui fait cela a fait une chose haram, a fait une chose interdite. Car en faisant cela, il délaisse une chose obligatoire. Cela prouve qu'une chose, même si elle est autorisée à la base, mais que cette chose amène à délaisser une obligation, alors il est interdit de faire cette chose à ce moment-là. Qu'une chose qui à la base est autorisée. Vendre et acheter, c'est autorisé, oui ou non? Oui. Mais parce que vendre et acheter le jour du vendredi te fait louper une des obligations d'Allah Azzawajal, il t'est interdit de vendre et d'acheter à ce moment-là. Car on a dit que l'interdiction a été temporaire. Le temps de la prière du vendredi. Une fois la prière du vendredi terminée, alors cette chose qui était interdite redevient autorisée. Et on retient également de ces versets l'obligation d'assister aux deux discours le jour du vendredi et le reproche qui est fait à celui qui n'y assiste pas. Et parmi les implications d'y assister, c'est-à-dire d'écouter le discours. D'où est-ce qu'on sort cette leçon ? Non. Qu'il faut écouter le discours et qu'on peut faire des reproches à celui qui n'y assiste pas. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Lorsque le prophète Allah Azza wa Jal a reproché à ceux qui ont écouté le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont entendu l'arrivée de la caravane, ils sont sortis. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ, dit ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur. Donc ici Allah Azza wa Jal les a réprimandés et leur a fait un reproche et que cela ne se fait pas de quitter et de ne pas assister au discours du vendredi et de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorter sur le minbar. Donc, on retient de cela l'obligation d'assister aux deux khutbah, aux deux discours du vendredi. Également, parmi les leçons à tirer de ces versets, est qu'il est demandé aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qui adore Allah Azza wa Jal, au moment où son âme le pousse à faire des divertissements ou à commercer, il se doit de se rappeler du bien qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal et de se rappeler de la récompense de celui qui fait précéder la satisfaction d'Allah devant ses propres passions. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Al-Jumu'ah et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala wa naktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.